bah, je redédicace les chansons à la femme que j'aime, sauf que cette fois-ci elle va se reconnaître. Et en plus je dédicace aux gens que je déteste. Défoncer la gueule en fois de leçon. Parce que pour oublier les problèmes du monde, parce que y a tellement de problèmes dans le monde, la famine, la guerre, entre les gouvernements, tout ça, on va bientôt passer dans la 6ème République, le 5ème est avant les dictatures, le racisme qui commence de côté. Oh, comme elle est belle. C'est vrai que je dise. Ouais, comme t'es belle. En fait, c'est pas difficile. Je t'aime. Ah, c'est facile à dire. Je t'aime. Ouais, mais j'ai déjà dit. Mais l'amour, c'est un placebo pour donner une raison de non. C'est pas vrai. C'est pas normal. De toute façon, ça n'existe pas. C'est juste un placebo. Je sors de là. Je chante. C'est pas possible. Tu peux pas être amoureux. Concentre-toi. Ressens-toi ton attention. Concentre-toi sur le coup. Vas-y, toi. Donne ton âme. Donne ton âme, on regarde les cours, merde! On va sortir la haine pour venger, prendre du chiffre, je sais pas! Fais des conneries, bordel! Casse tes bagnoles!